comme un clochard perdu sur terre. J'avance un peu au gré des vents, tel un bouchon sur la rivière, perdu dans l'espace et le temps. Ma maison n'est que dans ma tête, et je m'y rends les yeux fermés. Mais pas question d'y faire la fête. Ma maison n'est qu'imaginée. Clodo, Clodo qui chante comme tous les humains précaires. Clodo, Clodo qui chante en cherchant où passer l'hiver. Nulle part je ne suis chez moi. Je passe ma vie en visite. On m'accueille, on me renvoie. On me fait signe et puis je quitte. Comme un mendiant dans son errance, je ne bâtis que sur le vent. Je ne suis qu'infinie prudence. Je ne suis chez moi qu'en dedans. Clodo, Clodo qui chante comme tous les humains précaires. Clodo, Clodo qui chante en cherchant où passer l'hiver. Viens me chercher, blues du départ. Emmène-moi où je dois être. Seul, tout seul avec ma guitare. Je ne me veux pas trouble fête. Faut-il me retirer de tout? Comme un fantôme de l'errance, me résorber dans le grand tout. Par la plus ultime partance, Clodo, Clodo qui chante comme tous les humains précaires. Clodo, Clodo qui chante en cherchant où passer l'hiver. Clodo. Da-da-da-da. Da-da-da-da.